verbe monter se dit salire en italien. Et pour dire je monte, on fait comme pour le verbe venir. Comment dites-vous je viens? Vengo. Vengo, oui. Et pour dire je monte, c'est le même principe. Donc, ça donne salgo. Salgo, bien. Ce qui veut dire que il monte, au pluriel, se dit forcément salgono. Salgono, c'est ça. Et vous montez, si vous voyez votre interlocuteur, se dira sale. Oui. Et maintenant, si vous vous adressez à plusieurs personnes, vous direz voi salite. Salite, oui. Comment dira-t-on « je suis monté » si c'est un homme qui parle? Sono salito. Bien, sono salito avec le verbe essere, être. Nous avons déjà vu qu'on se sert du verbe être pour plonger dans le passé. Mais le plongeoir utilisé en italien ne correspond pas toujours à celui qu'on emploie en français. J'ai été, par exemple, se dit mot à mot « je suis été ». Si c'est un homme qui parle, « été » se dit « stato ». Donc, « j'ai été » se dit « sono stato ».« Sono stato », oui. Et « il a été » ?« È stato ».« È stato ». Maintenant, en sachant qu'en italien, « été » s'accorde avec le sexe de la personne dont il est question, puisque le plongeoir qui l'accompagne est « être » et non pas « avoir », dites-moi, elle a été. È stata. È stata, bien. Comment diriez-vous maintenant j'y étais hier? Ci era, ci ero ieri. Oui, mais il faut contracter en c'ero. C'est comme pour le présent il y a, qui se dit c'è. C'è, oui. Alors, répétez-moi la phrase. J'y étais hier. C'ero ieri. C'ero ieri. Oui. Ce que vous avez dit au début, c'era, veut dire il y était. Mais aussi il y avait. Nous avons vu que c'è veut dire il y a lorsqu'on parle d'une seule chose. Et que ci sono veut dire il y a quand on parle de plusieurs choses. Ci sono molti problemi. Il y a beaucoup de problèmes. Par contre, on dira c'è molta gente. Il y a beaucoup de gens. Gente est un mot singulier en italien. Les gens se dit la gente. La gente. Donc, molta gente veut dire beaucoup de gens. Pour dire il y a beaucoup de gens, on utilise c'è et non pas ci sono. C'è molta gente. Il y a beaucoup de gens. Sachant cela, comment diriez-vous nous y étions et il y avait beaucoup de gens? D'abord, dites-moi nous y étions. C'eravamo. C'eravamo et il y avait beaucoup de gens. Et c'era. Bien, beaucoup de gens. Molte gente, molta gente. Molta gente, voilà. C'eravamo e c'era molta gente.